Je t'écris peut-être bien plus qu'une lettre. C'est comme un message après un naufrage. Dans le grand silence, j'appelle au secours. Voici que je lance un dernier mot d'amour. Toi, l'enfant terrible, le rêve impossible, ma raison de vivre, ma folie d'aimer. Toi par qui j'existe, toi le seul artiste qui ait fait danser mon cœur de pierre triste. Tu riras peut-être en lisant ma lettre, ce cri de détresse qu'écrit ma tendresse. Je m'en fous, je t'aime, c'est bien assez pour t'envoyer quand même un dernier mot d'amour. Toi l'impénétrable, toi l'irremplaçable, plus beau que le diable, plus lointain que Dieu. Toi par qui je saigne, toi sans qui s'éteigne la joie dans mes yeux et le feu dans mes veines. Tu riras peut-être en lisant ma lettre, ce cri de détresse qu'écrit ma tendresse. Je m'en fous, je t'aime, c'est bien assez pour t'envoyer